Pour une nuit d'amour, d'Émile Zola. Première partie. La petite ville de P est bâtie sur une colline. Au pied des anciens remparts coule un ruisseau encaissé et très profond, le Chantecler, qu'on nomme sans doute ainsi pour le bruit cristallin de ses eaux limpides. Lorsqu'on arrive par la route de Versailles, on traverse le Chantecler à la porte sud de la ville sur un pont de pierre d'une seule arche, dont les larges parapets, bas et arrondis, servent de banc à tous les vieillards du faubourg. En face, monte la rue Beausoleil, au bout de laquelle se trouve une place silencieuse, la place des quatre femmes, pavée de grosses pierres, envahie par une herbe drue, qui la verdit comme un pré. Les maisons dorment. Toutes les demi-heures, le pas traînard d'un passant fait aboyer un chien derrière la porte d'une écurie. Et l'émotion de ce coin perdu est encore le passage régulier, deux fois par jour, des officiers qui se rendent à leur pension, une table d'hôte de la rue Beausoleil. C'était dans la maison d'un jardinier, à gauche, que demeurait Julien Michon. Le jardinier lui avait loué une grande chambre au premier étage, et comme cet homme habitait l'autre façade de la maison, sur la rue Catherine, où était son jardin, Julien vivait là tranquille, ayant son escalier et sa porte, s'enfermant déjà à 25 ans, dans les manies d'un petit bourgeois retiré. Le jeune homme avait perdu son père et sa mère très jeunes. Autrefois, les Michon étaient bourreliers aux Alluets, près de Mantes. À leur mort, un oncle avait envoyé l'enfant en pension. Puis l'oncle lui-même était parti, et Julien, depuis 5 ans, remplissait à la poste de P un petit emploi d'expéditionnaire. Il touchait 1500 francs, sans espoir d'en gagner jamais davantage. D'ailleurs, il faisait des économies. Il n'imaginait point une condition plus large ni plus heureuse que la sienne. Grand, fort, osseux, Julien avait de grosses mains qui le gênaient. Il se sentait laid, la tête carrée et comme laissée à l'état d'ébauche, sous le coup de pouce d'un sculpteur trop rude. Et cela le rendait timide, surtout quand il y avait des demoiselles. Une blanchisseuse lui en dit en riant qu'il n'était pas si vilain, il en avait gardé un grand trouble. Dehors, les bras ballants, le dos voûté et la tête basse, il faisait de longues enjambées pour entrer plus vite dans son ombre. Sa gaucherie lui donnait un effarouchement continu, un besoin maladif de médiocrité et d'obscurité. Il semblait s'être résigné à vieillir de la sorte, sans une camaraderie, sans une amourette, avec ses goûts de moine cloîtré. Et cette vie ne pesait point ses larges épaules. Julien, au fond, était très heureux. Il avait une âme calme et transparente. Son existence quotidienne, avec les règles fixes qui la menaient, était faite de sérénité. Le matin, il se rendait à son bureau, recommençait paisiblement la besogne de la veille, puis il déjeunait d'un petit pain et reprenait ses écritures. Puis il dînait, il se couchait, il dormait. Le lendemain, le soleil ramenait la même journée, cela pendant des semaines, des mois. Ce lent défilé finissait par prendre une musique pleine de douceur, le berçait du rêve de ces bœufs qui tirent la charrue et qui ruminent le soir dans de la paille fraîche. Il buvait tout le charme de la monotonie. Son plaisir était parfois, après son dîner, de descendre la rue Beausoleil et de s'asseoir sur le pont pour attendre 9 heures. Il laissait pendre ses jambes au-dessus de l'eau. Il regardait passer continuellement sous lui le Chantecler avec le bruit pur de ses flots d'argent. Des saules, le long des deux rives, penchaient leurs têtes pâles, enfonçaient leurs images. Au ciel tombait la cendre fine du crépuscule. Et il restait dans ce grand calme, charmé, songeant confusément que le Chantecler devait être heureux comme lui, à rouler toujours sur les mêmes herbes, au milieu d'un si beau silence. Quand les étoiles brillaient, il rentrait se coucher, avec de la fraîcheur plein la poitrine. D'ailleurs, Julien se donnait d'autres plaisirs. Les jours de congé, il partait à pied, tout seul, heureux d'aller très loin et de revenir rompu de fatigue. Il s'était fait aussi un camarade d'un muet, un ouvrier graveur, au bras duquel il se promenait sur le mail pendant des après-midi entières, sans même échanger un signe. D'autres fois, au fond du café des voyageurs, il entamait avec le muet d'interminables parties de dames pleines d'immobilité et de réflexion. Il avait eu un chien écrasé par une voiture et il lui gardait un si religieux souvenir qu'il ne voulait plus de bête chez lui. À la poste, on le plaisantait sur une gamine de 10 ans, une fille en haillons qui vendait pieds nus des boîtes d'allumettes et qu'il régalait de gros sous sans vouloir emporter sa marchandise. Mais il se fâchait, il se cachait pour glisser les sous à la petite. Jamais on ne le rencontrait en compagnie d'une jupe, le soir au rempart. Les ouvrières de paix, des gaillardes très dégourdies, avaient fini elles-mêmes par le laisser tranquille en le voyant suffoquer devant elles, prendre leur rire d'encouragement pour des moqueries. Dans la ville, les uns le disaient stupide, d'autres prétendaient qu'il fallait se défier de ces garçons-là qui sont si doux et qui vivent solitaires. Le paradis de Julien, l'endroit où il respirait à l'aise, c'était sa chambre. Là seulement, il se croyait à l'abri du monde. Alors il se redressait, il riait tout seul, et quand il s'apercevait dans la glace, il demeurait surpris de se voir très jeune. La chambre était vaste. Il y avait installé un grand canapé, une table ronde avec 2 chaises et un fauteuil. Mais il lui restait encore de la place pour marcher. Le lit se perdait au fond d'une immense alcôve. Une petite commode de noyer entre les 2 fenêtres semblait un jouet d'enfant. Il se promenait, s'allongeait, ne s'ennuyait point de lui-même. Jamais il n'écrivait en dehors de son bureau, et la lecture le fatiguait. Comme la vieille dame qui tenait la pension où il mangeait s'obstinait à vouloir faire son éducation en lui prêtant des romans, il les rapportait, sans pouvoir répéter ce qu'il y avait dedans, tant ces histoires compliquées manquaient pour lui de sens commun. Il dessinait un peu, toujours la même tête, une femme de profil, l'air sévère, avec de larges bandeaux et une torsade de perles dans le chignon. Sa seule passion était la musique. Pendant des soirées entières, il jouait de la flûte, et c'était là, par-dessus tout, sa grande récréation. Julien avait appris la flûte tout seul. Longtemps, une vieille flûte de bois jaune, chez un marchand de bric-à-brac de la place du marché, était restée une de ses plus âpres convoitises. Il avait l'argent, mais il n'osait entrer l'acheter, de peur d'être ridicule. Enfin, un soir, il s'était enhardi jusqu'à emporter la flûte en courant, cachée sous son paletot, serrée contre sa poitrine. Puis, portes et fenêtres closes, très doucement pour qu'on ne l'entendît pas, il avait éplé pendant 2 années une vieille méthode trouvée chez un petit libraire. Depuis 6 mois seulement, il se risquait à jouer, les croisées ouvertes. Il ne savait que des airs anciens, lents et simples, des romances du siècle dernier, qui prenaient une tendresse infinie lorsqu'il les bégayait avec la maladresse d'un élève plein d'émotions. Dans les soirées tièdes, quand le quartier dormait, et que ce chant léger sortait de la grande pièce éclairée d'une bougie, on aurait dit une voix d'amour tremblante et basse qui confiait à la solitude et à la nuit ce qu'elle n'aurait jamais dit au plein jour. Souvent même, comme il savait les airs de mémoire, Julien soufflait la lumière par économie. Du reste, il aimait l'obscurité. Alors, assis devant une fenêtre, en face du ciel, il jouait dans le noir. Des passants levaient la tête, cherchaient d'où venait cette musique si frêle et si jolie, pareille aux roulades lointaines d'un rossignol. La vieille flûte de bois jaune était un peu fêlée, ce qui lui donnait un son voilé, le filet de voix adorable d'une marquise d'autrefois, chantant encore très purement les menuets de sa jeunesse. Une à une, les notes s'envolaient avec leurs petits bruits d'ailes. Il semblait que le chant vint de la nuit elle-même, tant il se mêlait au souffle discret de l'ombre. Julien avait grand-peur qu'on se plaignît dans le quartier. Mais on a le sommeil dur en province. D'ailleurs, la place des quatre femmes n'était habitée que par un notaire, maître Savournin, et un ancien gendarme retraité, le capitaine Pidou, tous deux voisins commodes, couchés et endormis à 9 heures. Julien redoutait davantage les habitants d'un noble logis, l'hôtel de Marsanne, qui dressait de l'autre côté de la place, juste devant ses fenêtres, une façade grise et triste, d'une sévérité de cloître. Un perron de 5 marches, envahi par les herbes, montait à une porte ronde que des têtes de clous énormes défendaient. L'unique étage alignait 10 croisées, dont les persiennes s'ouvraient et se fermaient aux mêmes heures, sans rien laisser voir des pièces, derrière les épais rideaux toujours tirés. À gauche, les grands marronniers du jardin mettaient un massif de verdure qui élargissait la houle de ses feuilles jusqu'au rempart. Et cet hôtel imposant, avec son parc, ses murailles graves, son air de royal ennui, faisait songer à Julien que, si les Marsanne n'aimaient pas la flûte, il n'aurait certainement qu'un mot à dire pour l'empêcher d'en jouer. Le jeune homme éprouvait du reste un respect religieux quand il s'accoudait à sa fenêtre, tant le développement du jardin et des constructions lui semblait vaste. Dans le pays, l'hôtel était célèbre, et l'on racontait que des étrangers venaient de loin le visiter. Des légendes couraient également sur la richesse des Marsanne. Longtemps, il avait guetté le vieux logis pour pénétrer les mystères de cette fortune toute puissante. Mais pendant les heures qu'il s'oubliait là, il ne voyait toujours que la façade grise et le massif noir des marronniers. Jamais une âme ne montait les marches descellées du perron. Jamais la porte verdie de mousse ne s'ouvrait. Les Marsanne avaient condamné cette porte. On entrait par une grille, rue Sainte-Anne. En outre, au bout d'une ruelle près des remparts, il y avait une petite porte donnant sur le jardin que Julien ne pouvait apercevoir. Pour lui, l'hôtel restait mort, pareil à un de ces palais de contes de fées peuplés d'habitants invisibles. Chaque matin et chaque soir, il distinguait seulement les bras du domestique qui poussait les persiennes. Puis la maison reprenait son grand air mélancolique de tombe abandonnée dans le recueillement d'un cimetière. Les marronniers étaient si touffus qu'ils cachaient sous leurs branches les allées du jardin. Et cette existence hermétiquement close, hautaine et muette, redoublait l'émotion du jeune homme. La richesse, c'était donc cette paix morne où il retrouvait le frisson religieux qui tombe de la voûte des églises. Que de fois avant de se coucher, il avait soufflé sa bougie et était resté 1 heure à sa fenêtre pour surprendre ainsi les secrets de l'hôtel de Marsanne. La nuit, l'hôtel barrait le ciel d'une tache sombre, les marronniers étalaient une mare d'encre. On devait soigneusement tirer les rideaux à l'intérieur, pas une lueur ne glissait entre les lames des persiennes. Même la maison n'avait point cette respiration des maisons habitées, où l'on sent les haleines des gens endormis. Elle s'anéantissait dans le noir. C'était alors que Julien s'enhardissait et prenait sa flûte. Il pouvait jouer impunément. L'hôtel vide lui renvoyait l'écho des petites notes perlées. Certaines phrases ralenties se perdaient dans les ténèbres du jardin, où l'on n'entendait seulement pas un battement d'ailes. La vieille flûte de bois jaune semblait jouer ses airs anciens devant le château de la Belle au bois dormant. Un dimanche, sur la place de l'église, un des employés de la poste montra brusquement à Julien un grand vieillard et une vieille dame en les lui nommant. C'était le marquis et la marquise de Marsanne. Ils sortaient si rarement qu'il ne les avait jamais vus. Une grosse émotion le saisit, tant il les trouva maigres et solennels, comptant leurs pas, salués jusqu'à terre et répondant seulement d'un léger signe de tête. Alors son camarade lui apprit coup sur coup qu'ils avaient une fille encore au couvent, Mademoiselle Thérèse de Marsanne, puis que le petit Colombel, le clerc de Maître Savournin, était le frère de lait de cette dernière. En effet, comme les deux vieilles gens allaient prendre la rue Sainte-Anne, le petit Colombel qui passait s'approcha, et le marquis lui tendit la main, honneur qu'il n'avait fait à personne. Julien souffrit de cette poignée de main, car ce Colombel, un garçon de 20 ans aux yeux vifs, à la bouche méchante, avait longtemps été son ennemi. Il le plaisantait de sa timidité, ameutait contre lui les blanchisseuses de la rue Beau-Soleil, si bien qu'un jour au rempart, il y avait eu entre eux un duel à coups de poing, dont le clerc de notaire était sorti avec deux yeux pochés. Et Julien, le soir, joua de la flûte plus bas encore, quand il eut connu tous ces détails. D'ailleurs, le trouble que lui causait l'hôtel de Marsanne ne dérangeait pas ses habitudes d'une régularité d'horloge. Il allait à son bureau, il déjeunait, dînait, faisait son tour de promenade au bord du Chantecler. L'hôtel lui-même, avec sa grande paix, finissait par entrer dans la douceur de sa vie. Deux années se passèrent. Il était tellement habitué aux herbes du perron, à la façade grise, aux persiennes noires, que ces choses lui semblaient définitives, nécessaires au sommeil du quartier. Depuis 5 ans, Julien habitait la place des 4 femmes, lorsque, un soir de juillet, un événement bouleversa son existence. La nuit était très chaude, tout allumée d'étoiles. Il jouait de la flûte sans lumière, mais d'une lèvre distraite, ralentissant le rythme et s'endormant sur certains sons, lorsque tout d'un coup, en face de lui, une fenêtre de l'hôtel de Marsanne s'ouvrit et resta béante, vivement éclairée dans la façade sombre. Une jeune fille était venue s'accouder et elle demeurait là, elle découpait sa mince silhouette, levait la tête comme pour prêter l'oreille. Julien, tremblant, avait cessé de jouer. Il ne pouvait distinguer le visage de la jeune fille. Il ne voyait que le flot de ses cheveux, déjà dénoués sur son cou. Et une voix légère lui arriva au milieu du silence. « Tu n'as pas entendu, Françoise ? On dirait une musique. Hein ?»« Quelques rossignols, mademoiselle, » répondit une grosse voix à l'intérieur. « Fermez, prenez garde aux bêtes de nuit. » Quand la façade fut redevenue noire, Julien ne put quitter son fauteuil, les yeux pleins de la trouée lumineuse qui s'était faite dans cette muraille morte jusque-là. Et il gardait un tremblement. Il se demandait s'il devait être heureux de cette apparition. Puis, une heure plus tard, il se remit à jouer tout bas. Il souriait à la pensée que la jeune fille croyait sans doute qu'il y avait un rossignol dans les marronniers. Le lendemain, à la poste, la grosse nouvelle était que Mademoiselle Thérèse de Marsanne venait de quitter le couvent. Julien ne raconta pas qu'il l'avait aperçue en cheveux le cou nu. Il était très inquiet. Il éprouvait un sentiment indéfinissable contre cette jeune fille qui allait déranger ses habitudes. Certainement, cette fenêtre dont il redouterait de voir s'ouvrir les persiennes à toute heure le gênerait horriblement. Il ne serait plus chez lui. Il aurait encore mieux aimé un homme qu'une femme, car les femmes se moquent davantage. Comment, désormais, oserait-il jouer de la flûte ? Il en jouait trop mal pour une demoiselle qui devait savoir la musique. Le soir, donc, après de longues réflexions, il croyait détester Thérèse. Julien rentra furtivement. Il n'alluma pas de bougie. De cette façon, elle ne le verrait point. Il voulait se coucher tout de suite pour marquer sa mauvaise humeur. Mais il ne put résister au besoin de savoir ce qu'il se passait en face. La fenêtre ne s'ouvrit pas. Vers 10 heures seulement, une lueur pâle se montra entre les lames des persiennes. Puis cette lueur s'éteignit et il resta à regarder la fenêtre sombre. Tous les soirs, dès lors, il recommença malgré lui cet espionnage. Il guettait l'hôtel, comme au premier temps. Il s'appliquait à noter les petits souffles qui en ranimaient les vieilles pierres muettes. Rien ne semblait changer. La maison dormait toujours son sommeil profond. Il fallait des oreilles et des yeux exercés pour surprendre la vie nouvelle. C'était parfois une lumière courant derrière les vitres, un coin de rideau écarté, une pièce immense entrevue. D'autres fois, un pas léger traversait le jardin, un bruit lointain de piano arrivait, accompagnant une voix. Ou bien les bruits demeuraient plus vagues encore, un frisson simplement passait, qui indiquait dans la vieille demeure le battement d'un sang jeune. Julien s'expliquait à lui-même sa curiosité en se prétendant très ennuyé de tout ce tapage. combien il regrettait le temps où l'autel vide lui renvoyait l'écho adouci de sa flûte. Un de ses plus ardents désirs, bien qu'il ne se l'avouât pas, était de revoir Thérèse. Il se l'imaginait le visage rose, l'air moqueur, avec des yeux luisants. Mais comme il ne se hasardait pas le jour à sa fenêtre, il ne l'entrevoyait que la nuit, toute grise d'ombre. Un matin, au moment où il refermait une de ses persiennes pour se garantir du soleil, il aperçut Thérèse debout au milieu de sa chambre. Il resta cloué, n'osant risquer un mouvement. Elle semblait réfléchir, très grande, très pâle, la face belle et régulière. Et il eut presque peur d'elle, tant elle était différente de l'image gaie qu'il s'en était faite. Elle avait surtout une bouche un peu grande, d'un rouge vif et des yeux profonds, noirs et sans éclat, qui lui donnaient un air de reine cruelle. Lentement, elle vint à la fenêtre, mais elle ne parut pas le voir, comme s'il était trop loin, trop perdu. Elle s'en alla, et le mouvement rythmé de son cou avait une grâce si forte qu'il se sentit à côté d'elle plus débile qu'un enfant, malgré ses larges épaules. Quand il la connut, il la redouta davantage. Alors commença pour le jeune homme une existence misérable. Cette belle demoiselle, si grave et si noble, qui vivait près de lui, le désespérait. Elle ne le regardait jamais, elle ignorait son existence. Mais il n'en défaillait pas moins, en pensant qu'elle pouvait le remarquer et le trouver ridicule. Sa timidité maladive lui faisait croire qu'elle épiait chacun de ses actes pour se moquer. Il rentrait l'échine basse, il évitait de remuer dans sa chambre. Puis, au bout d'un mois, il souffrit du dédain de la jeune fille. Pourquoi ne le regardait-elle jamais? Elle venait à la fenêtre, promenait son regard noir sur le pavé désert et se retirait sans le deviner, anxieux de l'autre côté de la place. Et de même qu'il avait tremblé à l'idée d'être aperçu par elle, il frissonnait maintenant du besoin de la sentir fixer les yeux sur lui. Elle occupait toutes les heures qu'il vivait. Quand Thérèse se levait le matin, il oubliait son bureau, lui si exact. Il avait toujours peur de ce visage blanc aux lèvres rouges, mais une peur délicieuse dont il jouissait. Caché derrière un rideau, il s'emplissait de la terreur qu'elle lui inspirait jusqu'à se rendre malade, les jambes cassées comme après une longue marche. Il faisait le rêve qu'elle le remarquait tout d'un coup, qu'elle lui souriait et qu'il n'avait plus peur. Et il eut l'idée alors de la séduire à l'aide de sa flûte. Par les soirées chaudes, il se remit à jouer. Il laissait les deux croisées ouvertes et jouait dans l'obscurité ses airs les plus vieux, des airs de pastorale, naïfs comme des rondes de petites filles. C'étaient des notes longuement tenues et tremblées qui s'en allaient sur des cadences simples, les unes derrière les autres, pareilles à des dames amoureuses de l'ancien temps étalant leurs jupes. Il choisissait les nuits sans lune. La place était noire. On ne savait d'où venait ce chant si doux, rasant les maisons endormies de l'aile molle d'un oiseau nocturne. Et dès le premier soir, il eut l'émotion de voir Thérèse à son coucher s'approcher tout en blanc de la fenêtre où elle s'accouda, surprise de retrouver cette musique qu'elle avait entendue déjà le jour de son arrivée. « Écoute donc, Françoise, » dit-elle de sa voix grave en se tournant vers l'intérieur de la pièce. « Ce n'est pas un oiseau !»« Oh !» répondit une femme âgée, dont Julien n'apercevait que l'ombre. « C'est bien sûr quelque comédien qui s'amuse, et très loin, dans le faubourg. »« Oui, très loin !» répéta la jeune fille, après un silence, rafraîchissant dans la nuit ses bras nus. Dès lors, chaque soir, Julien joua plus fort. Ses lèvres enflaient le son, sa fièvre passait dans la vieille flûte de bois jaune. Et Thérèse, qui écoutait chaque soir, s'étonnait de cette musique vivante dont les phrases, volant de toiture en toiture, attendaient la nuit pour faire un pas vers elle. Elle sentait bien que la sérénade marchait vers sa fenêtre. Elle se haussait parfois, comme pour voir par-dessus les maisons. Puis une nuit, le chant éclata si près d'elle qu'elle en fut effleurée. Elle le devina sur la place, dans une des vieilles demeures qui sommeillaient. Julien soufflait de toute sa passion. La flûte vibrait avec des sonneries de cristal. L'ombre lui donnait une telle audace qu'il espérait l'amener à lui par la force de son chant. Et Thérèse, en effet, se penchait comme attirée et conquise. « Rentrez !» dit la voix de la dame âgée. « La nuit est orageuse, vous aurez des cauchemars. » Cette nuit-là, Julien ne put dormir. Il s'imaginait que Thérèse l'avait deviné, l'avait vu peut-être. Et il brûlait sur son lit. Il se demandait s'il ne devait pas se montrer le lendemain. Certes, il serait ridicule en se cachant davantage. Pourtant, il décida qu'il ne se montrerait pas. Et il était devant sa fenêtre à 6 heures, en train de remettre sa flûte dans l'étui, lorsque les persiennes de Thérèse s'ouvrirent brusquement. La jeune fille, qui ne se levait jamais avant 8 heures, parut en peignoir, s'accouda, les cheveux tordus sur la nuque. Julien resta stupide, la tête levée, la regardant en face, sans pouvoir se détourner, tandis que ses mains gauches essayaient vainement de démonter la flûte. Thérèse aussi l'examinait, d'un regard fixe et souverain. Elle sembla un instant l'étudier dans ses gros os, dans son corps énorme et mal ébauché, dans toute sa laideur de géant timide. Et elle n'était plus l'enfant fiévreuse qu'il avait vue la veille. Elle était hautaine et très blanche, avec ses yeux noirs et ses lèvres rouges. Quand elle l'eut jugé, de l'air tranquille dont elle se serait demandé si un chien sur le pavé lui plaisait ou ne lui plaisait pas, elle le condamna d'une légère moue, puis tournant le dos sans se hâter, elle ferma la fenêtre. Julien, les jambes molles, se laissa tomber dans son fauteuil, et des paroles entrecoupées lui échappaient. « Ah, mon Dieu, je lui déplais, et moi qui l'aime, et moi qui vais en mourir !» Il se prit la tête entre les mains, il sanglota. « Aussi, pourquoi s'être montré ? Quand on était mal bâti, on se cachait, on n'épouvantait pas les filles !» Il s'injuriait, furieux de sa laideur. Est-ce qu'il n'aurait pas dû continuer à jouer de la flûte dans l'ombre comme un oiseau de nuit qui séduit les cœurs par son chant et qui ne doit jamais paraître au soleil s'il veut plaire? Il serait resté pour elle une musique douce, rien que l'air ancien d'un amour mystérieux. Elle aurait adoré, sans le connaître, ainsi qu'un prince charmant venu de loin et se mourant de tendresse sous sa fenêtre. Mais lui, brutal et imbécile, avait rompu le charme. Voilà qu'elle le savait d'une épaisseur de bœuf au labour, et que jamais plus elle n'aimerait sa musique. En effet, il eut beau reprendre ses airs les plus tendres, choisir les nuits tièdes embaumées de l'odeur des verdures, Thérèse n'écoutait pas, n'entendait pas. Elle allait et venait dans sa chambre, s'accoudait à la fenêtre, comme s'il n'avait pas été en face, à dire son amour avec des petites notes humbles. Un jour même, elle s'écria « Mon Dieu, ce que c'est énervant, cette flûte qui joue faux !» Alors, désespéré, il jeta sa flûte au fond d'un tiroir et ne joua plus. Il faut dire que le petit Colombel, lui aussi, se moquait de Julien. Un jour, en allant à son étude, il l'avait vu devant la fenêtre étudiant un morceau, et chaque fois qu'il passait sur la place, il riait de son air mauvais. Julien savait que le clerc de notaire était reçu chez les Marsannes, ce qui lui crevait le cœur, non qu'il fût jaloux de cet avorton, mais parce qu'il aurait donné tout son sang pour être 1 heure à sa place. La mère du jeune homme, Françoise, depuis des années dans la maison, veillait maintenant sur Thérèse, dont elle était la nourrice. Autrefois, la demoiselle noble et le petit paysan avaient grandi ensemble, et il semblait naturel qu'ils eussent conservé quelque chose de leur camaraderie ancienne. Julien n'en souffrait pas moins quand il rencontrait Colombelle dans les rues, les lèvres pincées de son mince sourire. Sa répulsion devint plus grande le jour où il s'aperçut que l'avorton n'était pas laid de visage, une tête ronde de chat, mais très fine, jolie et diabolique, avec des yeux verts et une légère barbe frisée à son menton douillet. Ah, s'il l'avait encore tenu dans un coin des remparts, comme il lui aurait fait payer cher le bonheur de voir Thérèse chez elle. 1 an s'écoula. Julien fut très malheureux. Il ne vivait plus que pour Thérèse. Son cœur était dans cet hôtel glacial en face duquel il se mourait de gaucherie et d'amour. Dès qu'il disposait d'une minute, il venait la passer là, les regards fixés sur le pan de muraille grise dont il connaissait les moindres taches de mousse. Il avait eu beau, pendant de longs mois, ouvrir les yeux et prêter les oreilles, il ignorait encore l'existence intérieure de cette maison solennelle où il emprisonnait son être. Des bruits vagues, des lueurs perdues l'égaraient. Était-ce des fêtes, était-ce des deuils? Il ne savait. La vie était sur l'autre façade. Il rêvait de ce qu'il voulait, selon ses tristesses ou ses joies. Des jeux brillants de Thérèse et de Colombelle, des promenades lentes de la jeune fille sous les marronniers, des balles qui la balançaient aux bras des danseurs, des chagrins brusques qui l'assaillaient pleurante dans des pièces sombres, ou bien il n'entendait peut-être que les petits pas du marquis et de la marquise trottant comme des souris sur les vieux parquets. Et dans son ignorance, il voyait toujours la seule fenêtre de Thérèse trouer ce mur mystérieux. La jeune fille journellement se montrait, plus muette que les pierres, sans que jamais son apparition amenât un espoir. Elle le consternait, tant elle restait inconnue et loin de lui. Les grands bonheurs de Julien étaient les heures où la fenêtre demeurait ouverte. Alors, il pouvait apercevoir des coins de la chambre pendant l'absence de la jeune fille. Il mit Simon à savoir que le lit était à gauche, un lit dans une alcôve, avec des rideaux de soie rose. Puis, au bout de 6 autres mois, il comprit qu'il y avait en face du lit une commode Louis XV, surmontée d'une glace dans un cadre de porcelaine. En face, il voyait la cheminée de marbre blanc. Cette chambre était le paradis rêvé. Son amour n'allait pas sans de grandes luttes. Il se tenait caché pendant des semaines, honteux de sa laideur. Puis des rages le prenaient. Il avait le besoin d'étaler ses gros membres, de lui imposer la vue de son visage bossué, brûlé de fièvre. Alors il restait des semaines à la fenêtre. Il la fatiguait de son regard. Même à 2 reprises, il lui envoya des baisers ardents, avec cette brutalité des gens timides quand l'audace les affole. Thérèse ne se fâchait même pas. Lorsqu'il était caché, il la voyait aller et venir de son air royal, et lorsqu'il s'imposait, elle gardait cet air plus haut et plus froid encore. Jamais il ne la surprenait dans une heure d'abandon. Si elle le rencontrait sous son regard, elle n'avait aucune hâte à détourner la tête. Quand il entendait dire à la poste que Mademoiselle de Marsan était très pieuse et très bonne, parfois il protestait violemment lui-même. Non, non, elle était sans religion, elle aimait le sang, car elle avait du sang aux lèvres, et la pâleur de sa face venait de son mépris du monde. Puis il pleurait de l'avoir insultée, et lui demandait pardon, comme à une sainte enveloppée dans la pureté de ses ailes. Pendant cette première année, les jours suivirent les jours, sans amener un changement. Lorsque l'été revint, il éprouva une singulière sensation. Thérèse lui sembla marcher dans un autre air. C'étaient toujours les mêmes petits événements, les persiennes poussées le matin et refermées le soir, les apparitions régulières aux heures accoutumées. Mais un souffle nouveau sortait de la chambre. Thérèse était plus pâle, plus grande. Un jour de fièvre, il se hasarda une 3e fois à lui adresser un baiser du bout de ses doigts fiévreux. Elle le regarda fixement, avec sa gravité troublante, sans quitter la fenêtre. Ce fut lui qui se retira, la face empourprée. Un seul fait nouveau vers la fin de l'été se produisit et le secoua profondément, bien que ce fait fût des plus simples. Presque tous les jours au crépuscule, la croisée de Thérèse, laissée entr'ouverte, se fermait violemment avec un craquement de toute la boiserie et de l'espagnolette. Ce bruit faisait tressaillir Julien d'un sursaut douloureux et il demeurait torturé d'angoisse, le cœur meurtri, sans qu'il sût pourquoi. Après cet ébranlement brutal, la maison retombait dans une telle mort qu'il avait peur de ce silence. Longtemps, il ne put distinguer quel bras fermait ainsi la fenêtre. Mais un soir, il aperçut les mains pâles de Thérèse. C'était elle qui tournait l'espagnolette d'un élan si furieux. Et lorsqu'une heure plus tard, elle rouvrait la fenêtre, mais sans hâte, pleine d'une lenteur digne, elle paraissait lasse, s'accoudait un instant, puis elle marchait au milieu de la pureté de sa chambre, occupée à des futilités de jeune fille. Julien restait la tête vide, avec le continuel grincement de l'espagnolette dans les oreilles. Un soir d'automne, par un temps gris et doux, l'espagnolette eut un grincement terrible. Julien tressaillit, et des larmes involontaires lui coulèrent des yeux. En face de l'hôtel lugubre que le crépuscule noyait d'ombre, il avait plu le matin. Les marronniers à moitié dépouillés exhalaient une odeur de mort. Cependant, Julien attendait que la fenêtre se rouvrît. Elle se rouvrit tout d'un coup, aussi rudement qu'elle s'était fermée. Thérèse parut. Elle était toute blanche, avec des yeux très grands, les cheveux tombés dans son cou. Elle se planta devant la fenêtre, elle mit les 10 doigts sur sa bouche rouge et envoya un baiser à Julien. Éperdu, il appuya les poings contre sa poitrine, comme pour demander si ce baiser était pour lui. Alors Thérèse crut qu'il reculait. Elle se pencha davantage, elle remit les 10 doigts sur sa bouche rouge et lui envoya un second baiser. Puis elle en envoya un troisième. C'était comme les 3 baisers du jeune homme qu'elle rendait. Il restait béant. Le crépuscule était clair. Il la voyait nettement dans le cadre d'ombre de la fenêtre. Lorsqu'elle pensa l'avoir conquis, elle jeta un coup d'œil sur la petite place et, d'une voix étouffée, « Venez !» dit-elle simplement. Il vint. Il descendit, s'approcha de l'hôtel. Comme il levait la tête, la porte du perron s'entrebâilla. Cette porte verrouillée depuis 1/2 siècle peut-être, dont la mousse avait collé les vantaux. Mais il marchait dans la stupeur, il ne s'étonnait plus. Dès qu'il fut entré, la porte se referma, et il suivit une petite main glacée qui l'emmenait. Il monta un étage, longea un corridor, traversa une première pièce, se trouva enfin dans une chambre qu'il reconnut. C'était le paradis, la chambre aux rideaux de soie rose. Le jour s'y mourait avec une douceur lente. Il fut tenté de se mettre à genoux. Cependant, Thérèse se tenait devant lui, toute droite, les mains serrées fortement, si résolue qu'elle restait victorieuse du frisson dont elle était secouée. « Vous m'aimez ? » demanda-t-elle d'une voix basse. « Oh oui, oui !» balbutia-t-il. Mais elle eut un geste pour lui défendre les paroles inutiles. Elle reprit d'un air hautain, qui semblait rendre ses paroles naturelles et chastes dans sa bouche de jeune fille. « Si je me donnais, vous feriez tout, n'est-ce pas ?» Il ne put répondre, il joignit les mains. Pour un baiser d'elle, il se vendrait. « Eh bien, j'ai un service à vous demander. » Comme il restait imbécile, elle eut une brusque violence, en sentant que ses forces étaient à bout et qu'elle n'allait plus oser. Elle s'écria, « Voyons, il faut jurer d'abord. » « Moi, je jure de tenir le marché. Jurez, jurez donc !»« Oh, je le jure. Oh, tout ce que vous voudrez !» dit-il dans un élan d'abandon absolu. L'odeur pure de la chambre le grisait. Les rideaux de l'alcôve étaient tirés, et la seule pensée du lit vierge dans l'ombre adoucie de la soie rose l'emplissait d'une extase religieuse. Alors, de ses mains devenues brutales, elle écarta les rideaux, montra l'alcôve où le crépuscule laissait tomber une lueur louche. Le lit était en désordre, les draps pendaient, un oreiller tombé par terre paraissait crevé d'un coup de dent, et au milieu des dentelles froissées gisait le corps d'un homme, les pieds nus, vautrés en travers. « Voilà, » expliqua-t-elle d'une voix qui s'étranglait, « cet homme était mon amant, je l'ai poussé, il est tombé, je ne sais plus, enfin il est mort. » Et il faut que vous l'emportiez. Vous comprenez bien. C'est tout. Oui, c'est tout, voilà.